Derrière le grillage, la route est bien sage. Il est seulement midi. Je suis coincé ici. Récré s'éternise. Je rêve de Venise, de montagne, d'être mort, enfin d'être dehors. Tu me manquais, j'ai honte d'être si petit, si maigre. De ne pas défendre tout l'amour que j'ai pris. Dans la cour, le soleil n'a jamais existé. C'est à peine si le ciel bien court.